Vous êtes à l'antenne de CKRL au 89.1 et vous écoutez Futur Simple et nous allons, pour cette deuxième partie d'émission, nous pencher sur quelques recherches effectuées à l'INRS. Alors, je rappelle qu'il y a 4 centres INRS au Québec et à Québec, dans Saint-Roch, c'est le centre INRS-ETE. ETE pour eau, terre et environnement. Donc, une bonne partie des recherches porte sur tout ce qui touche à l'eau, les rivières qui alimentent les barrages électriques, hydroélectriques, les tourbières du Nord, l'eau souterraine, l'eau qui ruisselle dans la ville, les risques d'inondation. Bref, il y a beaucoup de sujets d'études sur l'eau et ce soir, nous allons en avoir deux exemples. Donc, avec Bouchra Nasri, qui est étudiante au doctorat en sciences de l'eau à l'INRS, et qui est aussi vice-présidente de l'Association des statisticiennes et statisticiens du Québec, nous verrons quelles sont les conséquences de l'évolution du climat sur les événements hydrologiques extrêmes. Alors, elle va tout nous expliquer tout ça. Et ensuite, nous serons avec Roxane Lavoie, qui est chercheure postdoctorale à l'INRS. Et avec elle, nous verrons comment les eaux souterraines sont importantes à prendre en compte pour la planification territoriale. Mais on commence pour l'instant avec Bouchra Nasri. Bonjour Bouchra. Bonjour Valérie. Alors, vous vous intéressez aux événements hydrologiques extrêmes, mais pour bien mettre la table, quand on parle d'événements hydrologiques extrêmes, on parle de quoi en fait? Permettez-moi d'abord de définir ce qui est un événement extrême. Un événement extrême est un événement rare qu'on n'observe pas au quotidien. Autrement dit, c'est un événement qu'on ne voit pas assez souvent. Et quand on parle de l'hydrologie, on fait généralement référence au débit dans un cours d'eau. Mm-hmm. Si on veut regrouper les deux définitions, événement extrême et débit, on peut conclure qu'un événement hydrologique extrême présente un événement rare dans un cours d'eau. Plus particulièrement, on parle ici de deux phénomènes, les étiages puis les crues. Les étiages correspondent à des baisses prolongées du débit dans un cours d'eau et les crues correspondent à des augmentations rapides et temporaires du débit dans un cours d'eau. Les étiages peuvent être causés par des sécheresses prolongées ou par des pompages excessifs mm-hmm. des eaux. Et puis les crues résultent des fortes précipitations ou d'une fonte rapide de la neige. Mm-hmm. Donc c'est les deux maximums, là, quand il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau dans la rivière ou au contraire quand il y en a vraiment, vraiment beaucoup après une forte pluie ou au printemps quand la neige va fondre. Donc maintenant qu'on a ça en tête, pourquoi est-ce qu'il est important de comprendre les fluctuations du débit dans un cours d'eau? Les débits des crues et des étiages ont une importance primordiale dans l'hydrologie et leur impact socio-économique est déterminant. En période de sécheresse, les débits d'étiage peuvent diminuer la capacité de dilution des polluants et augmenter la température de l'eau, ce qui a des conséquences dommageables sur les habitats aquatiques. Par exemple, certains poissons ne peuvent pas survivre quand l'eau est chaude. Et aussi des conséquences dommageables sur la qualité de l'eau dans les bassins versants. Ceci en ce qui concerne les étiages. En ce qui concerne les débits importants qui peuvent provoquer des crues et dans le cas extrême des inondations, ils ont des conséquences sur la population comme des dégâts humains ou des dégâts matériels et aussi sur les infrastructures comme la destruction des ponts ou des barrages. D'accord. Est-ce que et peut-être aussi sur la stabilité même des milieux aquatiques eux-mêmes peut-être également. Effectivement. Comment donc on parlait en introduction de changement climatique. Donc comment les changements climatiques peuvent influencer ces variables que sont les débits des crues ou les étiages. Ce que je veux préciser ici, que depuis toujours, la variabilité naturelle du climat provoque des événements hydrologiques extrêmes. Plus particulièrement avec les changements climatiques, ces événements extrêmes risquent d'augmenter la fréquence et l'intensité. En effet, nous constatons de plus en plus des phénomènes extrêmes avec des périodes de retour faibles. Des périodes de retour faibles, donc des périodes de retour finalement, c'est quoi? Ben, la notion de période de retour est destinée à caractériser la fréquence d'apparition d'un phénomène, fréquence d'apparition d'un débit de crue ou d'un débit d'étiage. Un débit de crue ou un débit d'étiage de période de retour de 2 ans représente un phénomène qui en moyenne se répète aux 2 ans. Mm-hmm. J'ai dit tout à l'heure qu'on constate des phénomènes extrêmes avec des périodes de retour faibles. Ça veut dire, par exemple, qu'une forte crue qui avait une période de retour de 50 ans a maintenant une période de retour de beaucoup moins que 50 ans, par exemple 20 ans ou 10 ans, mm-hmm. ou même moins. Ce que je voulais dire, c'est plus que ces phénomènes extrêmes ont tendance de revenir plus souvent qu'avant. Bien sûr qu'il existe plusieurs méthodes statistiques et probabilistes qui permettent l'estimation de ces périodes de retour liées à ces événements. Une des méthodes les plus utilisées, c'est l'analyse fréquentielle. Et j'imagine qu'en tant que vice-présidente de l'Association des statisticiennes, statisticiens du Québec, c'est là que peut-être que vous intervenez, que vous travaillez. Effectivement. Probablement. Donc, parlez-nous-en de ces méthodes statistiques. Comment est-ce qu'on fait justement? Comment est-ce qu'on les utilise pour prévoir comme ça la récurrence de ces phénomènes extrêmes? L'analyse fréquentielle, comme j'ai dit, est une méthode statistique de prédiction consistant à étudier des événements passés caractéristiques d'un processus donné afin d'en définir la probabilité d'apparition future et la période de retour. L'analyse fréquentielle repose sur la définition et la mise en œuvre d'un modèle qui permet d'associer à chaque événement une probabilité d'apparition et mm-hmm. un temps de retour, tout en tenant compte de l'intensité des fréquences des événements observés. Évidemment, pourquoi on fait ces analyses statistiques? Parce qu'une analyse fréquentielle appropriée en tenant compte des variabilités climatiques permettra certainement aux décideurs comme les ingénieurs ou les hydrologues de préciser les critères nécessaires pour les prévisions des risques afin mm-hmm. d'assurer une protection à la population, mettons en cas des inondations, ou une protection aux systèmes aquatiques et aux ressources naturelles, mettons dans le cas des étiages. Ainsi, de bien dimensionner les ouvrages, je donne un exemple comme les barrages, qui permet d'atténuer les effets des inondations. Mmh. Donc, effectivement, on ne va pas mettre les mêmes moyens en œuvre pour une crue qui se produit, mettons, une fois par siècle, que pour une crue qui va se produire tous les 5 ans. Peut-être qu'on va devoir adapter, faire des développements pour empêcher ces crues ou les réguler différemment. On va pas, si elles se produisent une fois tous les 100 ans, c'est un phénomène exceptionnel. Si elles se produisent tous les 5 ans, il faut peut-être tenir compte davantage, peut-être. Effectivement. D'accord. Et si les changements climatiques changent cette fréquence, il faut aussi le savoir, d'où tous ces travaux en statistique que vous devez faire. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Bouchra. Ah, merci à vous. Donc, nous étions en compagnie de Bouchra Nasri, qui est étudiante au doctorat en sciences de l'eau à l'INRS. On passe en musique sur CKRL au 89.1 et au retour, on plonge dans les eaux souterraines.